Hallelujah. Alléluia. It is very important for us to realize. C'est très important pour nous de réaliser that when we go unto the Holy Communion, que quand nous allons à la Sainte Communion, we should remember the bitterness that the Lord passed through. Nous devrions nous souvenir l'amertume à travers le Seigneur a passé. We should go to the table of the Holy Communion with bitterness. Nous devrions aller à la Sainte Communion, nous devrions aller à la table de la Sainte Communion avec amertume. But what is the other revelation? Mais quelle est l'autre révélation? Of the bitter herb. Des herbes amères. That the Lord commanded Israel in Exodus chapter 12. Que le Seigneur a commandé à Israël dans Exode chapitre 12. Verse 8 to eat when sacrificing the Passover lamb. Le verset 8 de manger pendant qu'il sacrifie l'agneau pascal. During the festivity as a lasting ordinance. Pendant la fête comme une loi perpétuelle. Let us look back at the book of Exodus chapter 1, precious people. Alors retournons au livre de l'Exode chapitre 1, précieux peuple. And you will see a deeper meaning of the bitter herb. Et vous allez voir une signification plus profonde des herbes amères. And what it says to the church. Et ce qu'il dit pour l'église. Exodus chapter 1. Exode chapitre 1. Verse 6. Le verset 6. Now Joseph and all his brothers and all the generations died. But the Israelites were fruitful and multiplied greatly and became exceedingly numerous, so that the land was filled with them. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Do you see that, somebody? Vous voyez ça? Verse 8. Then a new king who did not know about Joseph came to power in Egypt. Look, he said to his people, the Israelites have become much too numerous for us. Come, we must deal shrewdly with them, or they will become even more numerous. And if a war breaks out, they will join our enemies, fight against us and leave this country. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons. Montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Verse 11. So they put slave masters over them to oppress them. Do you see the meaning of the bitter herb? Verset 11. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénible. Vous voyez la signification des herbes amères. Alléluia. Alléluia. So I'm looking at the bitter herb. Et alors, je suis en train de regarder les herbes amères. That the Lord commanded Israel to eat with the Passover lamb. Que le Seigneur a commandé à Israël de manger avec l'agneau pascal. Which is roasted over fire. Qui est rôti au feu. And the bread without yeast. Et le pain sans levure. The unleavened bread. Le pain sans levain. And we've seen that the revelation that's embedded in that. Et nous avons vu que la révélation qui est intégrée là-dedans. Is that it should remind them. Que ça devrait leur rappeler. Of the bitter pain that they went through. Des douleurs amères qu'ils ont traversées. As Israel in the slavery. Comme Israël en esclavage. That's the reason the Lord said, do this as a lasting ordinance. C'est pourquoi le Seigneur dit, faites-le comme une loi perpétuelle. And every time you do this, make sure you have bitter herbs that you eat with the lamb that is roasted and the bread without yeast. Et chaque fois que vous le faites, soyez certain que vous mangiez des herbes amères. L'agneau pascal qui sera rôti et le pain sans levure. Now let's look at the pain the Lord was reflecting, having them to remember. Regardons les douleurs que le Seigneur a reflétées pour qu'ils se souviennent. The book of Exodus chapter 1. Le livre de l'Exode, chapitre 1. Verse 6. Now Joseph and all his brothers and all that generation had died, But the Israelites were fruitful and multiplied greatly and became exceedingly numerous, so that the land was filled with them. You see that? Verset 6, Jésus mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Verse 8, then a new king who did not know about Joseph came to power in Egypt. Look, he said to his people, the Israelites have become much too numerous for us. Come, so we should deal shrewdly with them. Look at that. Verset 8. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. » Regardez ça. Shrewdly, that's the bitterness the Lord is talking about in the bitter herb. Montrons-nous habiles. Ça, c'est l'amertume dont il est en train de parler dans les herbes amères. Or they will become more numerous, and if a war breaks out, they will join our enemies and fight against us and leave the country. Empêchons qu'ils ne s'accroissent, et que, s'il survient une guerre, ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Verse 11. So they put slave masters over them to oppress them. Do you hear the word oppress them? Verset 11. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler. Vous entendez ce mot, l'accabler? That is the bitterness the Lord was reflecting in the bitter herb. C'était l'amertume que le Seigneur reflétait dans les herbes amères. Telling them, don't forget the bitterness you've gone through in the slavery. Leur disant, n'oubliez pas l'amertume à travers laquelle vous avez passé pendant votre temps d'esclavage. From which I delivered you. Duquel je vous ai délivré. To oppress them with forced labor, I would underline that in my Bible. De les oppresser avec des travaux forcés, je voudrais souligner ça dans ma Bible. That is part of the bitterness. Ça, c'est une part d'amertume. And they built Python and Ramesses as stone cities for Pharaoh. Et ils ont bâti les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasins à Pharaon. But the more they were oppressed, the word is oppressed. Mais plus on l'accablait, plus on l'oppressait, le mot oppressé. The bitterness I'm talking about. L'amertume, je suis en train de parler. The more they multiplied and spread, so the Egyptians came to dread the Israelites and worked them ruthlessly. I would underline the word ruthlessly. Plus ils multipliaient et s'accroissaient, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Thus, the bitterness the Lord is reflecting. C'est l'amertume que le Seigneur est en train de refléter. In the bitter heart, telling them, don't forget the ruthlessly, the way you were treated ruthlessly. Dans les herbes amères, n'oubliez pas une dure servitude. La dure servitude, n'oubliez pas. They made their lives bitter. You see, verse 14. Ils ont fait leur vie amère. Vous voyez le verset 14? Their lives were bitter. That's why he told them to eat bitter herbs. Leur vie était amère. C'est pour ça qu'il leur parle d'herbes amères. And with hard labor and bricks and mortar and all kinds of work in the field and all their hard labor, the Egyptians used them ruthlessly. Avec de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Now listen to this verse 15. Alors, écoutez le verset 15. The king of Egypt said to the Hebrew midwives, whose names were Shifra and Pua, when you help the Hebrew women in childbirth and observe them on the delivery stool, if it is a boy, kill him. Do you remember that, precious people? Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Vous vous souvenez de ça? So essentially, alors, essentiellement, You see that they were bitterly treated, ruthlessly treated in Egypt. Ils étaient amèrement traités, cruellement traités en Égypte. And the Lord did not want them to forget that. Et le Seigneur ne voulait pas qu'ils oublient ceci. During the Passover celebrations. Pendant la célébration de la Pâque. So they would remember exactly where the Lord had removed them from. Alors ils auraient à se souvenir exactement d'où le Seigneur les a sortis. Something that would be so important in enhancing. Quelque chose qui va être tellement important dans la mise en valeur. And strengthening and maintaining. Dans le renforcement et la maintenance. The ordinance and the covenant they had with the Lord. Des ordonnances et des alliances qu'ils avaient avec le Seigneur. Knowing that only the Lord. Sachant que seul le Seigneur. Remove them from that bitterness. Les a enlevés de cette amertume. How would they forget the bitterness? Comment est-ce qu'ils peuvent oublier leur amertume? I'm telling you, if you went to Israel today, there's so much high tech. Je vous dis, si vous allez en Israël où il y a tellement de haute technologie. They are living such a modern life. Ils vivent une vie tellement moderne. It would have been very easy for them. To have forgotten that bitterness. Que ça pourrait être très facile pour eux d'oublier à propos de cette amertume. That's why every once a year, c'est pourquoi chacun ici they have to commemorate the Passover as a lasting ordinance, a commémoré la Pâque, les ordonnances éternelles. And the bitter herb is part of the Passover menu. Et les herbes amères font partie du menu pascal. And now we see that. Et maintenant, nous voyons que the Lord is also talking about the killing of the male children. Le Seigneur est aussi en train de parler des tueries des enfants mâles. And that's why he commanded them to eat bitter herbs. Et c'est pourquoi il leur a commandé de manger des herbes amères. But what does that speak to the church? Mais qu'est-ce que ça dit à l'église? I have just told you about the church. Je vous ai juste dit à propos de l'Église. The meaning of that to the church is that when Jesus was born. De la signification de cela pour l'Église, quand Jésus était mort, était né. The book of Matthew chapter 2 verse 11. L'évangile de Matthieu chapitre 2 verset 11. The wise men came and they laid gold before him. Les mages sont venus et ont laissé de l'or devant lui. They laid bitter myrrh before him, bitter myrrh. Ils ont laissé de la myrrhe amère devant lui. Which is the mirror image of the bitter herb. Qui est une image miroir des herbes amères. And then they laid frankincense, which is the incense. Qui ont laissé de l'encens. Before him. Devant lui. Speaking about, look, the presence of God will always be with you forever. Parlant à propos de, regarde, la présence de Dieu va toujours être avec toi pour toujours. Your life on this planet Earth will be a very bitter life. Ta vie sur cette planète Terre va être une vie très amère. And your bitter life will give forth a fragrance into the throne room of our Father. Et ta vie amère sera un parfum devant le trône de notre Père. Again, and your bitter life will give forth a sweet aroma of fragrance. Encore, et ta vie amère va être un doux arôme de parfum. That will fill the throne room of our Father in heaven. Qui va remplir le trône de notre Père dans les cieux. And you will atone for the sins of the earth. Et qui va expier les péchés de la terre. The sins of the world. Les péchés du monde. The next level is this. Niveau suivant est ceci. You see the killing of all the boys 2 years and under. Vous avez vu la tuerie de tous les enfants de 2 ans et en dessous. And the escape to Egypt by Joseph and Mary. Et la fuite en Égypte de Joseph et Marie. You see that still reflected here. Et vous voyez que ça reflète encore ici. In the book of Exodus chapter 1. Dans le livre d'Exode chapitre 1. When they were killing all the boys, quand ils étaient en train de tuer tous les garçons, and a situation that led to the mother of Moses, et la situation qui revenait à la mère de Moïse, to paint a basket with tar, de peindre une corbeille avec du goudron, and put Moses in that basket, et de mettre Moïse dans cette corbeille, and push Moses along the River Nile, et de pousser Moïse le long de la rivière du Nil, only to be saved by the king's family, seulement pour être sauvé par la famille du roi. Alléluia. Alléluia. Now listen to this, somebody. Alors, écoutez ça. And then you see that prophet Jeremiah had spoken about the same. He said, et ensuite, vous voyez que le prophète Jérémie a parlé à propos de la même chose. Il dit, a wailing is heard in Ramah, Rachel wailing, refusing to be comforted. A great mourning is in the land, because her children are no more, because Jesus had been taken to Egypt. Des plaintes ont été entendues à Ramah, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus, parce que Jésus a été pris en Égypte. But I want you to know that the deep revelation, the deeper part of that revelation is this. Mais je voudrais que vous sachiez que la révélation profonde, la grande part de révélation est ceci. It also speaks of the fact that Jesus needed to visit Egypt. Ça parle aussi du fait que Jésus avait besoin de visiter l'Égypte. So he can at the same time, alors il peut, pendant ce même temps, also deliver the Hebrew church, délivrer aussi l'église hébraïque that came from Egypt, qui vient d'Égypte. You see that? Vous voyez ça? The Gentile church and the Hebrew church. L'église des gentils et l'église des hébreux. What a mighty revelation we're seeing. Hallelujah. Quelle puissante révélation nous voyons. Alléluia. So another scripture here. Alors une autre écriture ici. That talks about the bitterness. Qui parle à propos de l'amertume. Is the book of Exodus chapter 2 verses 1 to 25. Dans le livre d'Exode chapitre 2 versets 1 à 25. How Moses suffered. Comment Moïse a souffert. And then Genesis chapter 37 verse 25. Et ensuite, Genèse, chapitre 37, verset 25. I'm still looking at the bitter herb that the Lord commanded them to eat at Passover. Je suis en train de regarder ça, les herbes amères que le Seigneur leur a commandé de manger à la Pâque. What does that speak to the church? Qu'est-ce que ça dit à l'Église? Christ, the Passover lamb, has been sacrificed. Christ, l'agneau pascal, a été sacrifié. Essentially, essentiellement, the church, we should have been approaching the Holy Communion table with a lot of bitterness. L'Église, nous devrions être en train d'approcher la table de la Sainte Communion avec beaucoup d'amertume. Remembering the bitterness of the slavery of sin. Se souvenant de l'amertume de l'esclavage du péché. From which Christ removed us. Duquel Christ nous a libérés. Some of you know some of the things, the physical things of that bitterness. Certains d'entre vous connaissent certaines choses physiques d'amertume. Most of it cannot be written in words. La plupart de ceci ne peut pas être écrit en mots. Or even enumerated. Ou même énuméré. It's spiritual. C'est spirituel. It is death. C'est la mort. But you can remember some of you, the alcoholism he removed you from. Mais vous pouvez vous souvenir, quelques-uns d'entre vous, ceux qui ont été délivrés de l'alcoolisme. The prostitution he removed you from. Celles qui ont été délivrés de la prostitution. The many physical attributes of the salvation of the Lord Jesus. Les beaucoup d'attributs physiques du salut de notre Seigneur Jésus-Christ. That you are enjoying, you see that? Dont nous nous réjouissons, vous voyez ça? That's why we should approach the Holy Communion table with a lot of bitterness. C'est pourquoi nous devrions approcher la table de la Sainte Communion avec de l'amertume. To be bitter, say, wow, We cannot forget the bitter place from which he removed us. D'être amer, de dire waouh, nous ne pouvons pas oublier la place amère dont nous avons été délivrés. But let me bring it to another level. The book of Genesis 37, verse 25. Laissez-moi vous amener à un autre niveau, le livre de Genèse, chapitre 37, verset 25. What is the meaning of the bitter herb? Quelle est la signification des herbes amères? That he commanded that they should eat at Passover. Qu'il a commandé de manger à la Pâque. Verse 25, Genesis 37 says. Verset 25, Genèse 37 dit. As they sat down to eat their meal, they looked up and saw a caravan of Ishmaelites coming from Gilead. The camels were loaded with spices, balm, and myrrh, and they were on their way to take them to Egypt. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Now this is Joseph. After his brothers had thrown him into a pit. Maintenant, il s'agit de Joseph. Après que les frères l'aient jeté dans un puits. Alléluia. Alléluia. And they wanted to kill him. Et il désirait le tuer. And you see that all of a sudden a caravan of the Ishmaelites was passing. Et vous voyez que soudain une caravane de Ismaélites était en train de passer. And some of the things they carried, part of what they carried was. Et parmi les choses qu'ils charriaient, une part de des choses qu'ils charriaient. Myrrhe, bitter myrrhe. Myrrhe, de la myrrhe amère. Talk about the bitterness of the life of Joseph. Qui parle à propos de l'amertume de la vie de Joseph. That will turn out to be so important in Egypt. Qui va devenir si importante en Égypte. Even to be saved from there, to save Jacob from there. Même d'être sauvé, de sauver Jacob de là. Remember Jacob from where Israel came. Souvenez-vous Jacob d'où Israël est venu. This was very critical. C'était très important. So the bitter myrrh that the Lord was talking about here. Alors la myrrhe amère dont le Seigneur était en train de parler ici. The bitterness, the bitter herbs. L'amertume, les herbes amères. That the Lord was talking about to Israel. Dont le Seigneur était en train de parler à Israël. That they may keep eating as they remember. Qu'ils continuent à manger en souvenir. A lasting ordinance with him. De la loi perpétuelle avec lui. Is the fact that he did not want them to forget the bitterness from which they came. Et ce fait qu'il ne désirait pas qu'ils oublient l'amertume d'où ils viennent. And you see the bitterness Joseph goes through here also. Et vous voyez l'amertume que Joseph traverse aussi. Is related with the bitter myrrh that was being carried to Egypt. Est en relation avec la myrrhe amère qui était en train d'être emportée en Égypte. Speaking about the bitterness that Joseph was going to go through in Egypt. Parle à propos de l'amertume à travers laquelle Joseph allait passer en Égypte. He was going to be put in jail. Il allait être mis en prison. He was going to suffer before finally he would rise to be a king. Il allait souffrir avant qu'il arrive à être un roi. So bitter myrrh and bitter herbs. Alors la myrrhe amère et les herbes amères. Essentially, talk about the bitterness from which deliverance has taken place. Essentiellement, parle à propos de l'amertume de laquelle la délivrance allait prendre place. From which the church has been delivered. De laquelle l'Église a été délivrée. But I want to bring it to another level, precious people. Mais je désire vous amener à un autre niveau, précieux peuple. The book of 1 Peter chapter 2. Le livre de 1 Pierre. Chapitre 2, verses 4 to 6. Les versets 4 à 6. Look at this. Regardez ceci. Look at what that bitter myrrh stands for. Regardez à quoi ressemble cette myrrhe amère. The bitter myrrh that was placed at the feet of Jesus. La myrrhe amère qui était placée aux pieds de Jésus. The bitter myrrh that is the mirror image of the bitter herb in Exodus chapter 12, verse 8. la myrrhe amère, qui est l'image miroir des herbes amères dans Exode 12, verset 8. He says, as you come to him, the living stone, rejected by men but chosen by God, and precious to him, you also, like living stones, are being built to a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Christ Jesus. Il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. For the scripture says, see, I lay a stone in Zion, a chosen and precious cornerstone, and the one who trusts in him will never be put to shame. Car il est dit dans l'écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Now listen to this. Maintenant, écoutez ça. Jesus is always referred to as the living stone. Jésus nous est toujours référé comme une pierre vivante. The living bread. Un pain vivant. The living water. L'eau vive. And in this case, you see that he is the living stone. Et dans ce cas, vous voyez qu'il est la pierre vivante. Rejected by all men. Rejeté par tous les hommes. That's why the wise men put bitter myrrh at his feet. C'est pourquoi les mages ont mis de la myrrhe amère à ses pieds. Saying that you will be bitter in your life, you'll be rejected by this world. Disant que vous allez être amer dans cette vie, vous allez être rejeté par ce monde. You see that? Vous voyez ça? But now look at the church. Mais maintenant, regardez à l'église. As we walk like Christ, comme nous marchons comme Christ, as we emulate Christ in the Christian walk, comme nous imitons Christ dans la marche chrétienne, we too should be able, nous aussi devrions être en mesure, to experience the bitterness that Christ experienced, d'expérimenter l'amertume que Christ a expérimentée, in the rejection, dans le rejet. Now listen to this, somebody. Maintenant, écoutez ça. That means when the church approaches the Holy Communion table. Ça signifie que quand l'Église approche la table de la Sainte Communion, the church should be able to wear the bitterness that Christ went through. L'Église devrait être capable de se revêtir de l'amertume à travers laquelle Jésus a passé. Even as he lived on earth here. Même quand il vivait sur la terre ici. Has the church done that? Est-ce que l'Église a fait ceci? And unfortunately, the answer is no. Et malheureusement, la réponse est non. Let me bring it to another level. 1 Peter chapter 1, verse 19. Laissez-moi vous amener à un autre niveau. 1 Pierre, chapitre 1, verset 19. Still the same thing. Encore la même chose. And he says here very carefully. Et il dit ici très prudemment. But with the precious blood of Jesus, a lamb without blemish or defect. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. That is essentially still the Passover lamb. Ça c'est essentiellement encore l'agneau pascal. That was rejected. Qui était rejeté. You see that? Vous voyez ça? The perfect Passover lamb. L'agneau pascal parfait, that is completely rejected, qui est complètement rejeté, by the world, hallelujah, par le monde, alléluia, and you know, only accepted by the Father. Et vous savez, accepté seulement par le Père. Somebody, I want to go to something more important now. J'aimerais aller à quelque chose de plus important maintenant. A very critical revelation. Une révélation très importante. And again, there are two levels of this revelation here. Et encore, il y a deux niveaux dans cette révélation ici. Why did the Father order Israel, command Israel to have bitter herb? Pourquoi est-ce que le Père a commandé à Israël, a ordonné d'avoir des herbes amères? Every time they commemorate the Passover feast. À chaque fois qu'ils commémorent la fête de la Pâque. Now the first one we have seen, Le premier que nous avons vu, the deep revelation to the church is, la révélation profonde pour l'Église est the bitterness that Christ would go through at birth. L'amertume que Christ va traverser à la naissance. No wonder bitter myrrh is placed at his feet. Pas étonnant que la myrrhe amère est placée à ses pieds. He has entered with bitter myrrh. He is born like this bitter myrrh is at his feet. Il est entré avec de la myrrhe amère. Il était né comme ça, de la myrrhe amère à ses pieds. Gold, bitter myrrh and frankincense. De l'or, de la myrrhe amère et de l'encens. Gold speaking about the everlasting presence of God around him. L'or parle à propos de la présence éternelle de Dieu autour de lui. The bitter myrrh, the bitterness of his life, the rejection he would suffer. La myrrhe amère, c'est l'amertume de sa vie, le rejet dont il va souffrir. And then frankincense, out of that rejection. Et ensuite l'encens, en dehors de ce rejet. A fragrance would come forth into the throne room of God. Un parfum va arriver au trône de Dieu. To atone for the sins of the world. Pour expier les péchés du monde. Alléluia. Alléluia.